Enseignement par le vénérable Sayadaw Unnanujjota, retraite de méditation Vipassana 2018, centre d'Amarancy. Today we are going to talk about the obstacles or hindrances that can occur to you when you are doing the mindfulness meditation. Aujourd'hui, nous parlerons des obstacles qui vont vous empêcher d'atteindre votre but lorsque vous pratiquez la méditation de l'attention. Il y a 5 obstacles. Ils vont vous empêcher d'atteindre votre but, qui est de rejoindre la demeure des êtres nobles. C'est de ces 5 empêchements ou obstacles dont il sera question au cours de cet enseignement. Vous ne pourrez atteindre la demeure des êtres nobles, des Ariyas, que si vous réussissez à éradiquer de votre esprit ces 5 empêchements. Vous vivez tous dans votre maison, chez vous. C'est votre maison, votre foyer. Les êtres nobles, les Ariyas, ont également une maison. C'est la maison des êtres nobles, la demeure des êtres nobles. C'est la maison dans laquelle ont vécu tous les êtres nobles du passé. Lorsque vous aurez atteint cette demeure des êtres nobles, vous y séjournerez et vous serez en sécurité. Rien ne pourra vous arriver. Vous y demeurerez tout comme y ont demeuré les êtres nobles du passé. Et vous y serez arrivé par la pratique de la méditation de l'attention. Nos maisons à nous, par contre, ne sont pas sûres. Elles n'offrent pas de sécurité parfaite. Nous ne sommes pas à l'abri de ces obstacles, de ces empêchements, ce qui n'est pas le cas de la demeure des êtres nobles. Les maisons que nous occupons n'offrent donc pas cette sécurité qu'offre la demeure des êtres nobles. Et tout ceci va varier en fonction de nos ressources. Il y a des gens qui vivent dans des maisons insalubres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi s'en payer une plus belle. Lorsqu'il y aura de fortes pluies, le toit percera probablement, les voleurs pourront facilement y pénétrer, et comme les portes ne sont pas bien fixées, il est possible que les animaux y pénètrent. Les êtres qui ne sont pas encore des êtres nobles vivent donc dans des maisons qui ne sont pas parfaitement sûr, et le degré de sécurité qu'elles offrent va dépendre de leurs ressources. Tant qu'on n'aura pas réussi à s'extraire du samsara et à atteindre la demeure des êtres nobles, nous serons condamnés à vivre dans ce type de maison, exposés à des degrés divers aux dangers des intempéries, des animaux, des êtres humains malveillants, etc. Si vous êtes venu ici pour pratiquer la méditation de l'attention, c'est dans le but précisément de vous extraire du samsara et d'atteindre la demeure des êtres nobles. Vous y serez en sécurité. Il y a donc 5 empêchements, 5 obstacles qui vont freiner votre progression et vous empêcher d'atteindre ces demeures nobles. Tant que vous n'aurez pas éradiqué de votre esprit ces 5 obstacles, il vous sera impossible d'atteindre votre but. Mais dès que vous les aurez éliminés de votre esprit, il vous deviendra possible d'atteindre ces demeures nobles qui vont vous offrir la sécurité parfaite. C'est donc dans ce but que vous pratiquez la méditation de l'attention. Voyons maintenant le premier de ces obstacles, de ces empêchements. En Pali, on parle de Kamachanda. C'est le désir sensuel, le désir pour les contacts sensoriels. Les êtres humains recherchent toujours les contacts sensoriels agréables. Tous les êtres vivants recherchent ces contacts sensoriels agréables. Imaginons par exemple une table du petit déjeuner bien garnie. Les insectes seront attirés, les animaux seront attirés, et vous, lorsque vous entrerez dans le réfectoire, vous serez également attirés par tous ces parfums et visions agréables. Vous aurez envie de manger de ces plats. Cette envie, ce désir, c'est Kamachanda, Nivarana, l'empêchement du désir sensuel. Lorsqu'un objet agréable se présente, vous êtes attiré, vous avez du désir pour cet objet. Et c'est la même chose pour tous les contacts sensoriels. Si vous sentez une bonne odeur, un bon parfum, vous aurez envie de ce parfum. Si vous voyez une nourriture appétissante, vous aurez du désir pour cette nourriture appétissante. Et c'est la même chose pour tous les autres contacts sensoriels. Le désir de posséder cet objet agréable se manifeste en vous. Il y a une allégorie à ce sujet. Un aigle s'envole avec un morceau de viande dans le bec, morceau de viande qu'il vient de trouver au sol. À peine s'est-il envolé que d'autres aigles vont l'attaquer pour essayer de s'emparer de ce morceau de viande. Il sera attaqué par un très grand nombre d'oiseaux, des aigles, des corbeaux. Tous ces oiseaux essayent de lui faire lâcher sa prise. Cet aigle va alors souffrir énormément. Tant qu'il tiendra ce morceau de viande dans son bec, il va souffrir. Mais dès qu'il aura lâché le morceau de viande, qu'il l'aura abandonné, il ne sera plus attaqué par les autres oiseaux. Par contre, l'oiseau qui a réussi à attraper le morceau de viande va, lui, commencer à être attaqué par les autres oiseaux. Ce sera alors au tour de l'oiseau qui a réussi à attraper ce morceau de viande d'être attaqué et donc de souffrir à son tour. Et il souffrira tant qu'il n'aura pas lui aussi abandonné ce morceau de viande. C'est la même chose qui se passe dans la société. Des organisations puissantes se font attaquer de toutes sortes de façons. Ces attaques sont toujours causées par Kamachanda, le désir. C'est toujours le désir avide qui est à l'origine de ces attitudes agressives, de ces attaques. Ceux qui n'ont pas développé la compréhension juste, la sagesse, croient que la vie est agréable, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Nous devons tous lutter pour garder notre morceau de viande dans notre bec. Nous luttons sans cesse pour garder ce morceau de viande. Nous sommes constamment attaqués par le désir sensuel. Lorsque nous voyons quelque chose d'agréable, une personne par exemple qui serait jolie ou attirante, nous sommes attirés, la beauté attire. Et si c'est la voix de cette personne qui est belle, séduisante, nous nous sentirons attirés par le son. Et c'est la même chose pour l'odeur. S'il émane de cette personne un parfum agréable, de nouveau, nous serons attirés. Si elle porte de jolis vêtements, nous serons attirés une fois de plus par la vision. Les contacts sensoriels agréables, quels qu'ils soient, mènent tous au désir. Ils font tous naître le désir sensoriel, le désir pour les contacts sensoriels agréables. C'est donc là le premier empêchement, le premier obstacle qui empêche d'atteindre la demeure des êtres nobles, le désir sensuel. Kama Chanda. Le Bouddha a comparé le désir sensuel Kama Chanda à une dette que nous aurions contractée. Nous avons emprunté de l'argent à la banque, 1000 euros par exemple. Nous sommes donc endettés par rapport à cette banque. Cette dette est comparable au désir sensuel, selon le Bouddha. Si on a emprunté de l'argent auprès de quelqu'un, nous devrons nous montrer polis et respectueux envers cette personne. Dans les temps anciens, les gens qui s'endettaient auprès d'autres personnes devaient toujours les respecter et veiller à ne pas les offenser, car cette personne était toujours susceptible de venir réclamer son argent. De nos jours, c'est un peu différent, mais fondamentalement, c'est la même chose. Même si nous avons emprunté à la banque, nous devrons toujours respecter notre engagement et rembourser progressivement l'argent que nous avons emprunté. Mais dès que nous aurons réussi à rembourser la totalité de notre emprunt, nous serons libres, nous serons sur pied d'égalité avec la banque ou avec celui qui nous a prêté l'argent. Nous ne devrons plus obligatoirement nous montrer polis et respectueux. C'est la même chose avec le désir sensuel. Si vous continuez à désirer les objets agréables, si vous n'abandonnez pas ce désir pour les objets agréables, vous serez esclave de ces objets. Vous serez constamment en dette par rapport à ce désir sensuel, à cet objet. Imaginons par exemple que vous soyez très attaché à un vase en cristal. Vous allez le placer dans une vitrine, vous allez veiller à ce que personne n'y touche, vous aurez peur de le casser. Et si vous faites tout cela, si vous prenez toutes ces précautions, c'est tout simplement parce que vous aimez ce vase en cristal, vous y êtes attaché. Le désir sensuel pour cet objet vous mène par le bout du nez, vous en êtes l'esclave. Et c'est la même chose en amour, plus vous êtes attaché, vous aimez une personne, plus vous allez faire d'efforts pour lui plaire, vous êtes l'esclave de cette personne. On peut dire que vous êtes endetté par rapport à cette personne. Et plus vous aimez cette personne, plus votre dette est grande. Dans un couple, par exemple, c'est celui qui a le plus d'attirance, qui est le plus attaché à l'autre, qui va devoir payer le plus. Sa dette envers l'autre est plus grande. Par contre, celui qui est moins attaché ou qui n'est pas attaché ne s'endette pas. C'est une personne qui est libre, qui peut faire ce qu'elle veut dans la vie, car elle n'a pas d'attache, pas de dette. Donc au cours de votre méditation de l'attention, s'il vous arrive d'avoir des pensées qui génèrent le désir, il faudra que vous les notiez immédiatement, que vous notiez ce désir qui vient d'apparaître en vous. Si vous omettez de le faire, ce désir sensuel va devenir un obstacle. Faites donc très attention à noter de façon pénétrante cet état d'esprit, ce désir sensuel, lorsqu'il se manifeste en vous, de façon à pouvoir poursuivre votre route et atteindre la demeure des êtres nobles. Si vous ne notez pas le désir sensuel lorsqu'il se manifeste en vous, vous deviendrez esclave de ce désir, vous allez vous endetter. Si par contre vous notez correctement ce désir sensuel, vous resterez libre et vous pourrez poursuivre votre pratique. Sayadaw explique par ailleurs que si vous ne notez pas correctement le désir sensuel au moment précis où il se manifeste en vous et que vous deviez malheureusement mourir à ce moment-là, vous reprendriez naissance dans un plan inférieur. Il y a l'histoire d'un moine qui était très attaché à sa robe. Il mourut subitement alors qu'il était occupé à en prendre soin. Il reprit instantanément naissance en tant que mythe dans cette robe. C'est ainsi que fonctionne Kamachandanivarana, l'empêchement du désir sensuel. C'est à cause de son attachement, de son désir pour cette robe, que ce moine reprit naissance en tant que mythe. Cette robe n'avait pourtant pas beaucoup de valeur, mais c'est l'attachement du moine pour cette robe qui a eu pour conséquence qu'au moment de mourir, il a repris naissance en tant que mythe dans cette robe. Et c'est la même chose pour tous ceux qui meurent avec du désir sensuel dans l'esprit. Ce désir sensuel va rendre impossible la renaissance dans des plans supérieurs. C'est pour cette raison que le désir sensuel est appelé obstacle sur le chemin de la délivrance. Quel que soit donc le type de désir sensuel qui se manifeste en vous au cours de votre pratique, il faudra toujours en prendre conscience objectivement, le noter. Si vous omettez de le faire, vous ne réussirez pas à éliminer cet obstacle, la pureté de l'esprit ne pourra pas apparaître en vous, et si vous deviez mourir à ce moment-là, vous ne reprendrez certainement pas naissance dans un plan supérieur, mais serez inévitablement entraîné dans un plan inférieur. On peut donc dire que celui qui pratique la méditation de l'attention construit sa propre demeure noble. Ce méditant note consciencieusement le désir sensuel lorsqu'il se manifeste en lui, et à sa mort, il atteindra certainement la demeure des êtres nobles. Sayadaw explique cependant que certains facteurs devront être développés si on veut réussir à atteindre la demeure des êtres nobles. Il faudra tout d'abord avoir Sadda, la confiance intelligente. Vous devez avoir confiance dans le Bouddha, dans le Dhamma, dans votre propre pratique. Cette confiance est nécessaire si vous voulez un jour atteindre la demeure des êtres nobles. Un autre facteur, c'est l'intention. Il faut que vous ayez une intention très déterminée à aller jusqu'au bout du chemin, atteindre la fin du chemin de Satipatthana. Vous devez être déterminé à aller jusqu'au bout de votre pratique. Le troisième facteur ou prérequis, c'est l'effort énergique. Vous devrez faire preuve d'un effort énergique dans votre pratique. Ce sont trois facteurs qui sont indispensables si vous voulez atteindre la demeure des êtres nobles. Sadda, la confiance intelligente, vous devez avoir confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la pratique. Ensuite, il y a Chanda, l'intention déterminée à aller jusqu'au bout du chemin. Et enfin, l'effort énergique. Ce sont les trois facteurs qui sont nécessaires, les trois prérequis, si vous voulez atteindre votre but. En ce qui vous concerne, vous qui êtes ici, vous avez chacun investi à votre façon. Vous avez investi dans la pratique, en lui consacrant quelques jours, parfois une semaine, et pour certains, deux semaines. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tous investi dans cette pratique. Et votre investissement va vous rapporter. Puissiez-vous tous avoir en vous ces trois facteurs, la confiance intelligente, Chanda, l'intention très déterminée à aller jusqu'au bout du chemin, et l'énergie. Puissiez-vous tous atteindre la demeure des êtres nobles au cours de votre pratique. Sadhu, sadhu, sadhu.